la vie peut me faire détester. Je hais d'aimer la vie, elle s'écoule à jamais. Je sais qu'aimer la vie ne peut rien y changer. Du sud, du Griffon, ce sur ce côté, on veut que ce soit à ouais, c'est...